Non, la réponse à ça, c'est qu'il y a un hadith authentique que l'imam Ahmed a rapporté dans le Musnad, qui a rapporté dans d'autres rivières aussi, comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis avec l'ange Jibril. Puis un ange est descendu. Jibril a dit, cet ange-là, c'est la première fois qu'il descend sur terre depuis qu'il a été créé. Et c'est la dernière fois aussi qu'il descendra sur terre, c'est-à-dire qu'il ne redescendra plus après être remonté. Cet ange-là, après être s'être assis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, « Oh Mohammed, Dieu m'a envoyé pour te proposer, pour te faire choisir entre deux choses. La première chose, c'est qu'il te rende roi et prophète. Il a proposé entre le fait d'être roi ou messager, entre le fait d'être serviteur et adorateur de Dieu, messager. Alors Jibril a dit, « Oh Mohammed, sois modeste, sois humide vis-à-vis de ton Dieu. » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Bel abdan rasoula » c'est-à-dire, il a choisi le fait d'être adorateur et serviteur et prophète. Là, on peut dire, si la seule voie, je dis bien la seule voie et la meilleure pour arranger l'état où était le prophète sallallahu alayhi wa sallam était la voie du pouvoir, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait choisi. Et même si c'était là une erreur, un choix qu'il a fait de lui-même, alors tout de suite, Dieu n'aurait pas été d'accord avec lui et l'aurait averti. Donc, on est obligé de dire que ce n'est pas ça la meilleure voie. Plus que cela, on peut dire que ce n'est pas ça la voie de l'islam. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, serviteur et adorateur, ben abda. Parce que le fait d'adorer Dieu, on ne peut pas adorer sans science, sans savoir. Il faut adorer Dieu comme il veut. Et ça, pour savoir, pour bien connaître comment Dieu veut cette adoration, il faut connaître, il faut apprendre. Donc, ça donne l'importance du ilm, du savoir, premièrement. Deuxièmement, il a dit, « Warasoula, Warasoula, malgré le fait que j'ai traduit « Rasoula » par le même mot que « Nabiya », mais en fait, il y a une différence entre les deux. Et les savants ont parlé des différences entre eux, entre les deux termes, et ce n'est pas le moment de se parler à ce sujet-là, mais seulement on remarque que le terme « Rasoula » vient de « Risala », de « Da'wa ». Donc, ça montre le plus élément qui peut arranger les choses, c'est la dawa. C'est-à-dire, après que tu as appris, tu apprends, tu enseignes, je veux dire, tu enseignes à autrui. Et ça, on l'a vu. Donc, la meilleure façon d'arranger les choses, c'est de revenir, d'apprendre comment étaient les premiers, d'apprendre le véritable sens du Coran et de la Sunna, et d'appliquer après ça et d'appeler les gens à ça, et de la même façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Parce que si on suit une voie différente du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'on dévie de cette voie, alors on a peur de la défaite, comme a dit Dieu, « وَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ » que ceux qui désobéissent à son ordre, c'est-à-dire l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fassent bien attention qu'ils ne soient pas atteints par une fitna. Et la fitna a plusieurs sens. Ça peut avoir le sens du kufr, c'est-à-dire qu'ils basculent dans le kufr, wal'iyadhu billah. Et ça peut avoir le sens de, comme quoi, un malheur. Ils subissent un malheur, une défaite. Aw yusibahum 'adhabun alim, c'est-à-dire un châtiment immense, que ce soit atteint d'un châtiment immense, que ce soit sur terre ou que ce soit dans l'au-delà. Donc, le fait d'agir contrairement à la façon dont agit le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas une chose simple, n'est pas une chose facile, c'est une chose grave en vérité. votre part nous pouvons pour appuyer. Mais ces paroles-là qui sont en fait ces paroles des savants de toute époque, pour celui qui étudie bien leur livre, on peut pour appuyer ça. On peut citer le hadith de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة يقولون لا إله إلا الله ونحن نقولها. حديث رواه الحاكم وهو صحيح عن حذيفة بن اليمان. وسأل رجلا حذيفة بن اليمان وقال له وما تنفعهم هذه الكلمة أي لا إله إلا الله التي يرددونها بدون أن يفهموها؟ فقال تنجيهم من النار تنجيهم من النار. Le deuxième hadith qu'on peut citer, ce hadith, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. لتنقدن عرى الإسلام عروة عروة فكلما انقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها فأولهن نقضا الحقد وآخرهن الصلاة. الحديث en général sans traduire mot à mot, il dit que l'islam disparaît petit à petit. Comment disparaît-il? On a vu la parole de Ibn Mas'ud. Ce sont les gens qui parlent sans science, qui donnent leur avis sans science, sans savoir. Il a dit, alors, c'est-à-dire, celui qui parle sans science, il ramène une fissure à ce mur parfait, fait avec une perfection que personne ne peut imaginer. Puis vient une deuxième personne et parle sans science, sans savoir, et il ramène une deuxième fissure. Une troisième fissure. C'est vrai que la fissure ne suffit pas à elle seule pour détruire l'islam. Mais après des siècles et des siècles d'innovation, des siècles et des siècles, c'est une participation, si on veut, c'est une coopération des gens qui, sans le vouloir peut-être, ou bien en le voulant, détruisent l'islam en ramenant des choses, en attribuant des choses à l'islam qui sont contraires à l'islam. Et c'est de cette façon-là, pour celui qui étudie bien le christianisme, c'est de cette façon-là que le christianisme et le judaïsme a été falsifié, que leurs livres saints ont été falsifiés, que tout a été changé. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam apprend que l'islam va disparaître petit à petit, de la même façon que les couleurs, les traits de la vie disparaissent petit à petit. Il dit dans le hadith, l'islam disparaît petit à petit, et à chaque fois, un de ces éléments disparaît. Le premier élément qui va disparaître, c'est le pouvoir. Le dernier élément, c'est la prière. Voilà. C'est bien connu entre les savants de l'islam qu'il n'y a rien qui soit acte, quand la personne abandonne cet acte-là, qui soit égal à la sortie de l'islam, je veux dire. C'est-à-dire, la seule chose où les savants ont divergé, est-ce que c'est du kofr, celui qui le fait ou pas, c'est le fait d'abandonner la prière. C'est-à-dire, les savants sont entre deux avis. Certains disent que celui qui abandonne la prière par fainéantise, celui-là, il est kafir. Certains disent, il est fasiq, il mérite l'enfer, et il peut rentrer en enfer une grande période, mais tant qu'il n'a pas renié l'islam, il reste dans l'islam. Donc, ici, le simple fait de commettre un acte, d'abandonner une adoration, ce n'est pas un kafir, à part ce que j'ai dit. Ce que certains savants voient, c'est le sujet de la prière. Si le pouvoir, comme disaient les chiites, les premiers chiites et les chiites de notre époque, et ceux qui les ont suivis, malheureusement, si le pouvoir était une partie du tawhid, c'est-à-dire si le pouvoir le plus parfait ne suit plus l'islam parfaitement, si eux ils disent que le pouvoir fait partie de l'unicité. Si le pouvoir va, l'unicité alors ne peut plus réaliser. L'unicité de Dieu, je veux dire. C'est-à-dire ils disent que celui, ils ont comme preuve, l'aya, « وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ » Ceux qui ne jugent pas. D'après la loi divine, alors là, ceux-là sont les mécréants. Ils disent, ce verset-là est évident. Il montre que celui qui n'applique plus, c'est-à-dire le gouvernant qui n'applique plus la loi de Dieu, alors celui-là est sorti de l'islam. Mais en vérité, sans trop s'attarder, cette parole-là ne comporte que la moitié de la vérité. C'est-à-dire, tous les savants, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam à notre époque, ont bien montré que ce verset-là devait être compris avec tous les autres versets. C'est-à-dire que si le gouvernant ne juge pas d'après la loi de Dieu, et il dit parce que cette loi est dépassée, parce que la loi que je viens de mettre est mieux que la loi de Dieu, ou bien ce n'est pas important de juger avec la loi de Dieu, c'est la même chose de juger avec cette loi, là d'accord, il est sorti de l'islam. Mais il ne sort pas de l'islam par le simple acte, parce que sinon, on va faire sortir tous ceux qui ne jugent pas, que ce soit dans la prière, que ce soit dans, ne juge pas d'après les prescriptions de Dieu, les prescriptions de la loi divine, qui ne suivent pas ça, on va les faire sortir de l'islam. Et on va faire sortir de l'islam celui qui boit le vin, parce que celui-là, il ne juge pas d'après la loi de Dieu. Et le verset, contrairement à ce que croient certains gens, ne s'applique pas seulement au gouvernant. Parce que même dans la langue arabe, on porte tous les individus. Il n'y a pas de dalil qui dit seulement les gouvernants. Ma anzalallah, ça ne parle pas seulement des lois, de l'application des châtiments corporels. C'est-à-dire la coupe de la main pour le voleur qui a volé une certaine valeur, ou bien le fait de fouetter une personne qui commet l'adultère, ou bien qui boit de l'alcool. Non, mais Anzalallah, c'est tout ce que Dieu a révélé. Donc si on applique ce verset-là comme le comprennent ces gens-là, alors on va faire sortir de l'islam n'importe qui commet un péché grave, comme les Khawarij. Et c'est pour ça en vérité que l'imam Al-Ajurri, qui est un livre qui s'appelle Al-Shari'a, il a dit que ce verset-là, c'est une des preuves qu'utilise bien ce rapport les Kharijites. Les Kharijites, c'est bien connu. Ils ont dit que celui qui commet un péché grave, Al-Kabira, comme le fait de boire de l'alcool, etc., alors celui-là, il sort de l'islam. Et ça, en vérité, c'est une grave erreur. De la même façon, l'imam Ibn Abd al-Barr, qui était le savant de l'Andalousie de son époque, et que tous les savants ont vanté, et certains ont dit que c'est un des plus grands savants que l'islam ont connu, il a dit que les Kharijites ont pris des preuves qui croyaient être à leur profit. Entre autres le verset « وَمَنْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ » Et les grands savants de l'époque, le Cheikh Ibn Baz, le Cheikh Al-Albani, le Cheikh Al-Uthaymeen, ont porté leur avis à ce sujet-là. Et prochainement, Inch'Allah, sera édité un livre qui comporte toutes leurs paroles. Et toute personne verra que ces paroles-là coïncident exactement avec les paroles des premiers. Et c'est pour cela que certains savants ont dit, on peut dire que c'est un ijma' à notre époque. C'est-à-dire que l'avis n'est pas l'unanimité autour de cette question à l'époque. Et ce n'est pas important qu'il y ait des gens qui n'ont pas de science qui contredisent cette unanimité. Parce que, comme c'est bien connu dans les livres de science, que l'avis unanime, ijma, cela on ne prend en compte que les avis des grands savants. Et on ne regarde pas les avis des innovateurs, des autres personnes qui n'ont pas de science. Et qui parlent, comme on a vu dans Athar ibn Mus'ud, يقيسون الأمور يقيسون الأمور بآرائهم avec leurs avis avec leurs raisons. Donc on revient au hadith. Le premier élément disparaît de l'islam, c'est le pouvoir. Et si cet élément-là de lui dépend de l'unicité de Dieu, التوحيد كلمة لا إله إلا الله, alors il n'y aurait aucun intérêt que le prophète صلى الله عليه وسلم parle des autres éléments, parce que c'est bien connu que quelqu'un qui fait disparaître un élément du tawhid, en vérité il a fait disparaître tout le tawhid. Atakfou atu'minouna li ba'd al-kitabi wa takfuruna li ba'd. Est-ce que vous croyez en une partie du livre et vous démontez l'autre partie? Wa ma jaza'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati ad-dunya wa yawm al-qiyamati yuradduna ila ashadd al-'adab. C'est-à-dire que quelqu'un dément un hadith, il dit que c'est un mensonge, ou bien qui dit qu'il y a un verset qui est faux, alors celui-là, il ne lui est d'aucun intérêt s'il croit dans les autres versets, ou bien qu'il dise j'ai cru en une partie du Coran, mais l'autre partie elle ne me plaît pas. Je dis que c'est des erreurs. Donc, ça montre que le pouvoir, en vérité, comme dans Athar ibn Mus'ud, ce n'est que le résultat. C'est-à-dire, c'est un élément important de la religion, mais ce n'est pas un élément essentiel. C'est-à-dire, quand les gens ne prient pas, le peuple ne prie pas, ici on a vu, est-ce que ça c'est plus grave? Ou bien le fait de s'occuper du pouvoir et de courir après? Et vous serez de mon avis pour dire que si une personne qui n'a pas beaucoup de science entre les personnes qui disent qu'il faut le pouvoir aujourd'hui et c'est ça la solution de nos maux, si un ange venait et lui proposait le pouvoir, alors il n'hésiterait pas. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas hésité à refuser le pouvoir parce qu'il sait que le bon remède au shirk, qui est le plus grand péché, c'est al-ubudiyya, d'ar-risala, comme on a vu, l'adorer, le fait de bien appliquer, de bien apprendre comment adorer Dieu, puis battre les gens à suivre, de leur apprendre ça. Mais le fait de prendre le pouvoir, ça, si le peuple, comme j'ai dit, ne prie pas, si le peuple est loin des commandements de Dieu, si le peuple a un cœur qui ne connaît rien de Dieu, qui a un cœur tellement sa foi est devenue fragile que peut-être pour un oui ou un non, il peut lâcher sa religion, et tu commences à t'occuper du pouvoir, alors là en vérité, tu as vraiment dévié du chemin, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas occupé du pouvoir quand les sahaba étaient nouveaux, et le pouvoir est venu tout seul. Et comment on dit certains du'as? أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم. C'est-à-dire, appliquez la loi de Dieu, appliquez l'État si on veut, islamique dans vos cœurs, alors l'État islamique se lèvera de lui-même, s'instaurera de lui-même. Et c'est normal. Si l'individu éduque sa famille, éduque ses frères, éduque sa femme, éduque sa fille, et apprend son voisin, et son voisin le suit, etc. Qu'est-ce qu'il restera à la fin? Bien sûr, de la bonne façon, qu'est-ce qu'il restera? La société en entier changera. Et si on constate bien la façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pu changer le peuple de Medina, qui l'a supporté, et c'est là où il a appliqué l'État islamique, il ne l'a pas appliqué en faisant un coup d'État. Non. Certains gens, certains sahaba, qui sont rentrés dans l'islam, ils m'ont dit non, ils ont commencé à faire la dawa. Dans le hadith, فأصبح أحدنا يكلم أهله بالإسلام فيدخلون في الإسلام بإسلامه. C'est-à-dire que ce sont eux qui ont propagé l'islam, les compagnons, les rares compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam de Medina, originaire de Medina, qui ont cru en son message. Alors ils ont fait la da'wa à leur famille, etc. Jusqu'à ce que le rawi, le rapporteur du hadith, il dit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de demeure si maintenant il n'y ait pas de musulmans. Et il est vraiment dommage qu'on voit à l'époque où on est, l'imam monter sur son minbar pour donner le prêche du vendredi et oublier tous les gens qui sont devant lui. Des centaines, peut-être des milliers de personnes qui sont devant lui. Devant lui, une personne. Pas une personne. Quand je dis une personne, c'est-à-dire un exemple seulement. Il s'est bien connu que les vices dont je vais parler sont très répandus. On trouve une personne qui a son argent dans la banque. Peut-être qu'il sait faire riba haram, mais c'est trop fort. L'intérêt qu'il voit devant lui, l'amour de la dunya, l'amour de l'argent est plus fort que l'amour de Dieu dans son cœur. Le deuxième exemple, celui-là, sa femme ne porte pas le hijab, sa femme est dévoilée devant les gens. Tous les gens, tous les vicieux la voient. Mais il n'y a point de jalousie dans son cœur, wal'iyadhu billah. Un troisième exemple, celui-là, ses enfants ont passé la nuit devant des films. Tout le monde sait les films qu'il y a maintenant dans la chaîne la moins virulente. Ou même s'il n'y a pas de chaîne, il y a les cassettes vidéo. Un tel commet autre tel autre péché. Et un tel. Il oublie tous ces gens-là. Et il ne parle que du pouvoir, il parle du gouvernement. Alors qu'il n'arrivera jamais au gouvernement. Et le gouvernement, peut-être que cette parole-là ne lui arrivera pas. Peut-être que c'est seulement la police seulement qui va le punir. C'est-à-dire que ce n'est pas une façon de changer, ni le gouvernement, ni personne d'autre. Et la façon en vérité de changer les gouvernements, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a bien donné. Et si certains de nos frères, malheureusement, n'arrêtent pas de rattacher le hadith, Afbaru jihadin, kalimatu haqqin, inda sultanin ja'ir, en vérité, on doit leur dire, d'abord, examinez bien les mots de la langue arabe, comme a dit le Hassan al-Basri, en jugeant certains gens qui ont dévié. À son époque, il a dit Ahlakatum al-Ubma, c'est-à-dire ce qui les a fait dévier du droit chemin, c'est la mauvaise compréhension de la langue arabe. La mauvaise compréhension de la langue arabe, ou plutôt l'ignorance de la langue arabe. C'est-à-dire ce verset-là, ce hadith-là, le meilleur du jihad est une parole juste chez un gouvernement injuste. Et l'autre hadith, أفضل الشهداء حمزة ورجل قام إلى سلطان جائر ونصحه فقتله. C'est-à-dire le meilleur des martyrs c'est Hamza رضي الله عنه et une personne qui est allée chez un gouvernement juste qui l'a conseillé et ce gouvernement-là n'a pas entendu ce bon conseil et l'a torturé et tué ou bien tué sans torture. Ce hadith-là, d'abord, lui seul suffit pour montrer le minhaj véritable de la faction rescapée et qui est différente du minhaj de toutes les autres factions. Ce hadith-là, il a dit « Inda sultan jair » c'est-à-dire auprès de lui, pas à distance, c'est-à-dire que tu vas sur le minbar de la mosquée et tu lui donnes le conseil. Ça, c'est une erreur. Et si on n'avait pas, en vérité, la langue arabe, comme preuve, on peut ramener un hadith évident في حديث لا في الحديث كي رفع صفر ابن أبي عاصم السنة والإمام أحمد الرسول صلى الله عليه وسلم أبي من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي بها علانية وليأخذ بيده وليخل به فإن قبلها فذاك وإلا فليس عليه. Celui qui veut conseiller un gouvernant, qu'il ne fasse pas ce conseil-là devant les gens, mais qu'il va auprès de lui, qu'il le prenne par la main, et qu'il ne soit que de tout seul. Si ce gouvernant-là accepte, ça c'est toujours la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si ce gouvernant-là accepte le conseil, ça, c'est ça qui voulait cette personne-là. C'est ça que veut la personne. Qu'il voulait, c'est ça le résultat auquel voulait arriver la personne qui a fait donner ce conseil-là, alhamdulillah. Et s'il n'accepte pas, alors, allez, c'est aller. Yanni, faqad addama alayhi, c'est-à-dire, il a commis son devoir. Et bien sûr, ça, ce n'est pas à n'importe quelle personne de faire ça, ça c'est au savant. C'est pour ça que le Mawla Azza wa Jal, il a ordonné à Moussa et à Haroun de conseiller Pharaon. Et deuxièmement, on remarque que Pharaon, malgré le degré de coffre où il est arrivé, le Dieu lui a dit Kapoula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Dis-lui une parole douce. Peut-être, regarde, peut-être acceptera-t-il, peut-être se rappellera-t-il, peut-être craindra-t-il Dieu. C'est-à-dire, même en utilisant la parole juste, la parole douce, la bonne parole, peut-être qu'il ne va pas te répondre. Et tout le monde sait que Pharaon n'a pas répondu à ça, malgré le fait qu'il ait utilisé une bonne parole. Deuxièmement, Moussa, alayhi salatu wassalam, la première chose qu'il a appelé à Pharaon à suivre, c'est le tawhid. De reconnaître l'unicité de Dieu. Il n'a pas appelé pour moi. Et après que Dieu ait pris l'âme de Pharaon, après qu'il ait détruit son royaume, la place de Pharaon était libre, si on veut. Pourquoi Moussa alayhi salatu wassalam n'est pas allé et a pris le pouvoir? C'était le pouvoir, l'essentiel. Et le hadith que j'ai ramené, comme quoi l'islam disparaîtra jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des gens qui disent La ilaha illallah. Et le rapporteur de ce hadith a questionné Khadath ibn al-Yaman, il lui a dit que peut leur être cette phrase-là, que peut leur être elle, qu'est-ce qui peut leur profiter quand ils ne savent pas ce qu'elle veut dire. Alors, Hadith ibn al-Yaman il a dit tunjihi min al-nar. Et bien sûr, ce hadith-là, il faut le comprendre, c'est que cela, s'ils avaient pris connaissance des autres choses de l'islam, ils l'auraient suivi. C'est-à-dire, ils ont ignoré s'il y avait autre chose que ça. Sinon, nous on ne dit pas aux gens, il suffit de dire la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, sans suivre, et vous serez escapé de l'enfer. Ça, c'est une grave erreur. Mais la règle générale, comme a dit Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, celui qui devient kafir ou faire de l'islam, quand il dit telle chose qui est haram et l'ihlal, c'est quand il sait que c'est Dieu qui l'a haram, hein, par exemple, et lui il dit c'est ihlal. C'est-à-dire, la personne qui boit le vin, jamais il ne va te dire le vin haram, ihlal, pardon. Mais s'il dit le vin halal, là, on dit les kafirs. Mais il peut y avoir, je dis bien, il peut y avoir dans certains cas rares, et ça, ce n'est pas dans nos sociétés, les sociétés qui se sont frottées à l'islam, il peut y avoir par exemple une personne qui entend l'islam nouvelle, qui croit que le vin n'est pas haram. Et à l'époque de Omar ibn Khattab, il y avait un des Sahaba, des compagnons qui a bu le vin. Et quand Omar ibn Khattab lui a posé la question, pourquoi as-tu bu le vin? Il a dit, Il a utilisé un verset qu'il avait mal compris, il avait mal interprété. Alors Omar ibn Khattab, il ne l'a pas fouetté. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas, il ne voulait pas aller à l'encontre de la loi divine. Il est allé à l'encontre de la loi divine, c'est vrai, mais pas volontairement. C'est-à-dire, il croyait que c'était ça la vérité. Et ça, c'est une règle d'or en vérité. Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah يقول والمستحل لمن حرم الله يكفر إذا علم أن الله قد حرمه وكذلك الذي يحرم ما أحل الله فإنه يكفر إن علم أن الله حرمه أحله ويحرمه. C'est-à-dire qu'il faut la condition pour qu'il sorte de l'islam, la différence entre quelqu'un qui commet un péché ou qui ne sort pas de l'islam, ou bien même qui fait une chose et ça ne lui est pas compté comme péché, la différence c'est que celui-là il fait ou celui-là il ne fait pas. Et ça c'est une chose importante aussi, quand on parle des gouvernants qui n'appliquent pas la loi divine. Et certains gens, et je les classe aussi parmi les petits, qui sont toujours là pour critiquer les savants, pour dévier les gens de la suite de la route des savants, ils disent ça ce sont des paroles qui plaisent aux gouvernants, qui plaisent aux gouvernants qui n'appliquent pas la loi divine. Et vous ne dites ça, vous ne dites ces paroles-là que pour leur plaire. Et en vérité, ça, c'est une accusation qui est comme toute accusation. Parce que celui qui dit ça, il a pénétré dans le cœur de l'individu. Et quand on constate la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, toute personne qui dit la ilaha illallah mukhlisan, c'est-à-dire sincèrement de son cœur, elle doit entrer au paradis un jour ou l'autre. Quand on voit Sahaba n'allait pas dans les rues et crier ce hadith-là, surtout s'il voyait une personne commettre un péché, il n'allait pas lui dire من قال لا إله إلا الله مخلصا نفعته يوما من دهره أو نتخشن بحديث لا مي عمر بن الخطاب أنت أعطيزي القمبانيان بخطاجي شو حديث لا لبخطب صلى الله عليه وسلم لنا ما دي معاذ رضي الله عنه قام المعاذ يدي جذر أتفاند رجوان أبو النوبل على بخطب صلى الله عليه وسلم يدي نو من لغة خطاجي شو حديث لا فسكر إيفان laisser tomber le travail, ils vont plus avoir peur de Dieu si on veut, ils vont se contenter de dire la ilaha illallah sincèrement de leur cœur. Mais quand les kharijites sont apparus avec la force par laquelle ils sont apparus, alors tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont proposé ce hadith contrairement à leur action précédente. La deuxième chose aussi, c'est quand ils sont réapparus après la mort des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les savants étaient entre deux feux, si on veut. Le premier feu, c'est le fait que ceux qui ont l'habitude de commettre des péchés entendent ce hadith-là. Ils voient les savants l'enseigner dans tout leur cours. Alors, il va dire, ça va, je suis bien comme je suis mieux que celui qui est l'idolâtre, que celui qui ne croit pas en Dieu et en ses prophètes. Et alors, c'est comme ça que va se propager, qu'on se propage les vices, les péchés. Le deuxième feu, c'est quoi? C'est le fait que les kharijites, ils fassent sortir de l'islam les faibles de l'islam, les faibles musulmans qui ont la foi faible, qui tombent dans le péché et qu'ils disent leur sang, on le fait couler et leur femme en a droit de les prendre comme butin de guerre et comme esclaves, si on veut, et leur argent est permis. Et c'est bien connu la valeur des musulmans chez Dieu, à tel point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la valeur de la Kaaba, son aspect sacré, est moins élevée. La valeur est moins élevée que la valeur du musulman chez Dieu. Et dans un autre hadith, c'est « Zawalud dunya, inda Allahi ahwanu min qatli nafsi muslim ».